Visage enduit d'un vernis d'ange, dissous l'âge de tes peines. Blancheur extrême, dégradé en noirceur. Visage enduit d'un vernis d'ange, dissous l'âge de tes peines. Blancheur extrême, dégradé en noirceur. Dévale la brume des larmes, poursuis l'ombre de ton sourire. Sens-tu l'or de tes rides? Avale les nuages de ta peau.